Once again back is the incredible. Everybody in the house, make some noise. 23h30, mon yank il est en chien, il va falloir que je le rentre. J'ai bu la piste du Shaitan et tous les jours je suis chidé. J'étais un enfant très calme mais j'ai fini dissipé. M'en bats les couilles d'ici bas, je vais me barrer d'ici peu. Je vais mourir dans pas longtemps parce que c'est ma destinée. Et je m'en fous de ton avis, tu m'as jamais estimé. Je suis parti à la pêche, t'es rentré dans mes filets. Et jamais walou walou, rien que je faisais le voyou. Un flash et des cigarettes, je rappe comme un loup-garou. Je me suis remis en renard, envie de racheter un runner. J'achète un pompe à Gare du Nord et je vais en bouniquer vos mères. Tu me connais pas, je vais faire du sale gros. J'envoie des balles, je fais plus des saltos. Je t'ai respecté gratuit, t'étais un fils de pute. Fils de pute, la tête de ma mère, maintenant je vise le but. Tu fais un gramme toi, frérot calme-toi. Tu m'as fait des trucs bizarres et t'es ma femme toi. On fait des trucs de barge, voilà je pète les plombs. J'en ai marre de ma vie que je traîne avec des cons. J'ai le cœur bloqué sous la carapace. J'attends les condés avec mon masque à gaz. Tu m'as jamais fait la passe quand j'étais à la place. Je vais tous vous enculer parce que je veux toujours plus. Tu connais pas ma vie, t'es mal à carcasse. Ça fait au moins 5 piges que j'ai pas pris le bus. Le fric, le shit, le deal, la drogue. Gros fais bellec à toi. Le shit, le deal, le fric, la mort. C'est chacun son choix. Et toi tu fais pas chier ou ça fait plaque à plaque. J'ai des potos qui mangent des pâtes au placard. Moi c'est la mine et je suis fils de Boubaka. J'ai des refrains, j'ai des cousins, j'ai des clowns à Dakar. Y'a ces guénaux qui a volé dans ta caisse. La scarelle dessus et on a fait la bagarre. Moi j'ai raqué tes noyers, j'ai acheté une nouvelle paire. Je suis pas Léonard de Vinci mais tu vas sucer mon art. Toi t'es un fils de pute, tu respireras pas mon air. J'étais en chien d'euros, maintenant je peine à 20 dollars. Mon daron qui me frappait, j'ai connu ma douleur. Quelques années après, bah j'suis devenu un dollar. Fils de putain de travailleuse. Ma drogue est ravageuse. Mon frère c'est un arracheur. Mon pote c'est un arnaqueur. Désolé. Ça bicrave tous les trois quarts d'heure. T'auras mon ex mais t'auras pas ma sœur. Jamais. J'embrasse le front de ma mère et je vois la sueur. J'ai connu les déceptions, je connais pas la peur. Ziggy now, Jiggy check. Moi tu connais déjà. On n'a pas peur de toi même si tu connais des gens. Fils de lâche, hein. Je prends mon pif et je me nache. J'ai tout fait en cachette. J'ai tout rempli dans le sachet. Dans le pain j'ai mis du cachet. Et j'ai vendu du queucra. Parce qu'à l'époque j'étais par terre. Enculé, je vais te fumer. Je me réveille, je suis mal luné. J'ai pas fumé mon joint, je suis rancunier de ces fumiers. Fais pas ton bad boy quand t'as plus de l'alcool. T'étais déjà fan de moi, mon premier album. La scar de test, on fait les tractions. Et si tu dois du papier, on fait les fractions. J'ai du tushy dans mon caleçon. Si tu m'attrapes comme faillite, tu fais les passions. Jiggy Jet sa mère, Ziggy Now sa mère, Valenton sa mère, le renard. Jiggy Jet sa mère, Ziggy Now sa mère, Valenton sa mère. Once again back is the incredible, the incredible, the incredible. Everybody in the house make some noise. Once again back is the incredible, the incredible, the incredible. Everybody in the house make some noise. Business.